Kanyanga. Eric Ouimana sur la mise en onde, bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Plus de 70% de nouvelles contaminations du VIH-SIDA sont constituées de jeunes, selon le président du collectif des associations des personnes infectées et affectées par le VIH-SIDA CAPES+, qui attribue cette recrudescence à la dégradation des mœurs et des coutumes. Certains marchés du nord de la capitale économique font face à un manque criant d'eau potable et lancent un cri d'alarme à la régie des eaux pour qu'elle puisse résoudre ce problème. Cela étant, la régie de distribution d'eau et d'électricité tarde à tenir sa promesse en matière de raccordement en eau de la colline Tchadi du quartier Windrekwa à cause de la livraison tardive de 6 mois du matériel de raccordement du réseau hydrique destiné à alimenter ces localités suite aux guerres qui sévissent en Europe et en Asie. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parle de l'hystrabisme qui est un trouble de vision caractérisé par un mauvais alignement des yeux. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page politique. Le respect du code électoral est le plus important pour une bonne conduite du processus électoral. Ce sont là les explications de l'expert en leadership à la veille des élections sénatoriales, Acher Nyonizigiye, explique en outre qu'en procédant de cette manière, les résultats qui en sont issus ne font pas objet de contestation. Page santé, plus de 70% des nouvelles contaminations sont constituées de jeunes, selon le président du collectif des associations des personnes infectées et affectées par le VIH-SIDA. Hamza Venaburiku qui attribue cette recrudescence à la dégradation des mœurs et des coutumes, ainsi qu'à l'influence d'adultes qui manipulent la jeunesse. Face à cette situation alarmante, il appelle à une action collective pour restaurer le respect des valeurs morales. Hamza Venaburiku qui plaide notamment pour le renforcement des clubs Stop-SIDA dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser les jeunes et contribuer à l'éradication de ce fléau au sein de la jeunesse. On l'écoute. À travers le rapport qu'on trouve dans le programme national de notre SIDA, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales, on a vu que globalement, plus de 70% de nos vraies infections se trouvent chez les jeunes. Dans ces jours, la jeunesse vraiment est emportée par beaucoup de choses qui les distraient et les fait tomber dans la contamination du VIH-SIDA. Les jeunes, des fois, sont distraits par des choses vraiment de luxe. Ils aiment une vie facile et comme ça, ils sont tentés à accepter ce qu'ils ne devaient pas accepter. Et voilà, malheureusement, ils contaminent le VIH-SIDA très facilement. Et surtout alors, ce qui est pire de tout cela, c'est qu'au niveau de nous, les adultes, les plus âgés, qui sont civilisés, qui ont des moyens, essaient vraiment de manipuler la jeunesse, surtout la jeune fille, qui a encore besoin de se maquiller, de se mettre à la page. Et vraiment, ils s'adonnent comme ça, et délibérément comme ça, naïvement comme ça, à son sale besogne. Et voilà qu'ils attrapent le VIH-SIDA au niveau de toutes les parties prenantes, au niveau de l'administration, au niveau des ministères sectoriels, que ce soit de la jeunesse, de l'éducation, de la santé contre le sida, il faut des efforts conjugués. Même au niveau de la sécurité publique, il faut que vraiment les forces de l'ordre essaient de réglementer tout cela, voir comment amener les gens au respect des mœurs et des coutumes burundaises. Et un homme adulte, c'est un papa, c'est un parent qui doit éduquer, n'est pas quand même induit en erreur une progéniture à qui nous comptons beaucoup dans l'avenir. Donc, ça, c'est très alarmant. Comme on dit en si on ne fait pas attention, si on ne fait pas vraiment quelque chose de discret à travers la prévention au niveau de la jeunesse, on risque vraiment de perdre toute une génération et bientôt toute une population du pays. Ou bien avoir toute une population malade, porteur du VIH, avec tout le fardeau qui va exiger au gouvernement de supporter tous ces gens-là. Je crois qu'il est grand temps, si ce n'est même pas trop tard, qu'il y a des efforts qui se fassent autour de la lutte contre le VIH-SIDA, surtout chez les jeunes, comme on a déjà remarqué dans notre pays. Les propos de Hamza Venaburiku, qui est représentant légal de la CAPES Plus, ont été recueillis par Stella Ndaishimiye. Une courte pause. Musique. de l'avenir. Page société à présent, il s'observe un manque d'eau potable dans certains marchés de la province de Bujumbura comme celui de Kinama, où ceux qui exercent leurs activités commerciales dans ce marché signalent qu'ils peuvent passer plus de 3 jours sans aucune goutte d'eau. C'est au moment où au marché de Kamenge, l'eau arrive pendant les heures avancées de la soirée. Les responsables de ces marchés demandent à la régie des eaux de tout faire pour qu'ils soient alimentés en eau potable pour renforcer la propriété. Les détails avec Jean-Marie Mayonk. Au marché de Kamenge, les commerçants signalent que l'eau potable fournie par la régie des eaux n'est disponible qu'à des heures tardives de la soirée. Selon Zachary Niragira, chef adjoint de ce marché, le principal problème réside dans la faible pression de l'eau, ce qui empêche son acheminement vers les réservoirs de stockage. Je dirais que pour le moment, actuellement, la situation est bonne pour de l'eau potable, mais comme nous avons donc les robinets de la régie des eaux, parfois il y a des carences pour de l'eau, mais quand il s'agit de l'eau, on essaie quand même de renforcer l'hygiène, que ce soit l'hygiène corporelle et que ce soit l'hygiène du marché en général. Parce que nous avons des latrines, nous avons donc beaucoup de populations qui fréquentent, mais l'eau de la régie des eaux n'a pas donc de pression. Comme on a installé donc des tanks, il y a parfois que les tanks ne remplissent pas de l'eau, mais nous avons eu la voie de demander l'intervention à la police, la protection civile. Souvent, ils nous servent donc avec les camions citernes. Souvent, ils y arrivent pour remplir donc les tanks que nous avons. Il estime que si le projet de forage en cours venait à démarrer, cela permettrait d'améliorer considérablement l'approvisionnement en eau potable au sein du marché. Avec le projet qui est en cours donc de forage, nous attendons, ça va nous aider surtout à augmenter l'hygiène quand on va donc mettre le projet qui est en cours. Je pense que ça nous donnera beaucoup de force pour pouvoir augmenter l'hygiène qui se trouve ici au marché. De son côté, le représentant des commerçants du marché de Kamenge appelle à une mise en œuvre rapide de ce projet qui, selon lui, est essentiel pour garantir un accès régulier à l'eau de forage. Au marché de Kinama, les responsables affirment qu'il peut s'écouler plus de 3 jours sans que l'eau potable de la régie des eaux n'y soit disponible. Et lorsqu'elle arrive, elle est souvent acheminée avec une pression très faible, ce qui constitue un défi majeur et demande à la régie des eaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une alimentation régulière en eau potable dans ce marché. Cela étant, certains citoyens qui exerçaient leurs activités commerciales au marché Bujumbura City Market, situé dans la zone Ngagara, communément appelée chez Sion, se réjouissent de la disponibilité de l'eau dans ce marché. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mardi se disent satisfaits car à chaque entrée, ils trouvent de l'eau à se laver les mains pour éviter toute maladie liée aux mauvaises conditions d'hygiène. Les responsables de ce marché disent avoir fait l'hygiène une priorité. Un reportage d'Alexis Ndaysenk. Sur toutes les 8 portes d'entrée du marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion, des réservoirs d'eau sont installés, équipés de robinets pour le lavage des mains, comme le confirment les citoyens qui exercent différentes activités commerciales dans son marché. Nous nous lavons les mains avant d'entrer dans le marché pour aller faire nos achats. Nous apprécions cela car quelquefois, nous venons dans des bus où nous avons été en contact avec beaucoup de monde. Ici, l'eau ne manque jamais. Les gens entrent en se lavant soigneusement les mains. C'est pour cela qu'ils ont installé des robinets d'eau. Ces citoyens suggèrent que les autres marchés dépourvus d'eau devraient prendre cet exemple, car selon eux, la disponibilité permanente de l'eau leur permet de ne pas craindre pour l'hygiène de leur santé. Cela nous protège contre beaucoup de maladies, notamment le choléra et d'autres maladies épidémiques. Du côté de l'administration du marché chez Sion, on affirme que l'hygiène fait partie de leurs priorités, comme l'indique Chimilimana Patrice, responsable de la sécurité et du parking dans son marché. La personne qui a conçu le projet d'organisation du marché s'est basée sur plusieurs aspects, mais a particulièrement mis l'accent sur l'hygiène, car de nos jours, il existe beaucoup de maladies émergentes. C'est pourquoi elle a installé des réservoirs à chaque entrée du marché. Et elle a même placé des personnes pour encourager les gens à se laver les mains avant d'entrer. Son responsable de la sécurité précise également qu'en cas de coupure d'eau, des solutions alternatives sont mises en place, notamment l'utilisation des désinfectants. Merci à Alexis Ndaïsenga. La régie de distribution d'eau et d'électricité tarde à tenir sa promesse en matière de raccordement en eau de la colline Tchadi et du quartier Winerekwa à cause de la livraison tardive de 6 mois du matériel de raccordement du réseau hydrique destiné à alimenter ces localités suite aux guerres qui sévissent en Europe et en Asie. Explication du directeur général de la Régie des Eaux, Jean-Albert Manigomba, au moment où le délai qui avait été promis a expiré. On l'écoute. Nous sommes en train de construire un réseau d'eau depuis Sagara vers les quartiers situés en périphérie de la ville, notamment Gihosha et Winerekwa. Il s'agit d'un trajet de plus de 10 km, voire environ 20. Les tuyaux utilisés sont fabriqués à l'étranger et ne sont pas produits ici au Burundi. En ce moment, le transport maritime est devenu difficile à cause des guerres en cours dans les pays arabes ainsi qu'entre la Russie et l'Ukraine. Les équipements importés n'arrivent pas à temps. Leur livraison a retardé environ 6 mois. Donc, lorsque les équipements mettent du temps à arriver, cela retarde aussi l'exécution du projet. Ce que je peux dire à la population, c'est que si elle se rendait aujourd'hui même sur terrain, à Rushubi, elle verrait clairement que nous approchons la ville de Bujumbura. Les ouvriers sont sur terrain, en train d'amener l'eau pour l'acheminer jusqu'ici. Que la population garde espoir. Les difficultés existent, certes, mais elles ne sont pas dues à la Régie des Eaux. C'était là le directeur général de la Régie des Eaux dans la traduction française d'Omer Ndouayo, place à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. L'ostrabisme est un trouble de la vision caractérisé par un mauvais alignement des yeux. Les signes les plus courants incluent un œil qui semble louché ou se déplacer dans une direction différente de l'autre et mouvements oculaires non coordonnés. Une des causes possibles est la facteur génétique ou héréditaire. L'ophtalmologue François Nyonzima indique que le traitement dépend de l'âge, du type de strabisme et de sa cause chronique santé avec Ornella Mucho. Le strabisme est un trouble de la vision caractérisé par un mauvais alignement des yeux. Autrement dit, les deux yeux ne regardent pas dans la même direction. L'ophtalmologue François Nahimana indique qu'il y a différents types de strabisme. L'œil peut dévier vers l'extérieur, vers le haut, le bas ou en interne. Il ajoute que les plus touchés sont les enfants et que les causes peuvent être congénitales ou génétiques. Il y a les causes, je dirais, qui sont innées et il y a les autres qui sont acquises. Parmi les causes qui sont innées, je pense, là, ça sous-entend que c'est beaucoup plus chez les enfants. Ces causes sont majoritairement associées aux troubles neurologiques, congénitales. Ça peut être la prématurité, ça peut être les troubles de la vision, les troubles de réfraction, comme on appelle communément, entre autres l'hypermétropie. Pour les causes neurologiques, il y a les troubles au niveau des commandes neuromusculaires. Il y a aussi au niveau du système nerveux. Pour ce qui est de la prématurité, un enfant né prématuré, c'est-à-dire qu'il naît dans des conditions qui sont particulières, dans la mesure où il n'a pas acquis tout ce qu'il faut par rapport à la survie au niveau environnemental externe. Chez les adultes, les causes peuvent être liées à une maladie neurologique. Chez les adultes, la plupart des fois, le strabisme est acquis. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus lié à des problèmes que la personne peut avoir au cours de sa vie. Et le plus souvent, ce sont des maladies neurologiques. Ce sont des maladies liées qui affectent la tête, le cerveau. Par exemple, il y a les accidents. Si tu fais un accident, il peut y avoir, je dirais, une compression quelque part autour de l'œil qui fait qu'il n'y a pas, de liberté nécessaire pour que le mouvement soit effectif. Il peut y avoir un problème d'hémorragie au niveau cérébral. Par exemple, en cas d'accident vasculaire cérébral, il peut y avoir des maladies thyroïdiennes de l'œil qui peuvent être à l'origine d'un défaut d'un œil ou des yeux en même temps. Il indique que le strabisme peut être traité efficacement et que les traitements sont disponibles, tout en soulignant que chez les enfants, une prise en charge précoce peut corriger complètement le strabisme. Un parent qui a son enfant, c'est facile d'observer un enfant. Quand l'enfant est distrait, il observe l'enfant. S'il y a un œil qui dévie, moindre suspicion, il faut que tu vas consulter pour juste essayer d'être plus détaillé. Tous les traitements sont disponibles, quasiment. Premièrement, il y a un traitement simple, optométrique, avec les lunettes. Surtout pour les strabismes accommodatifs, il y a un traitement à base des lunettes. Il y a le traitement aussi qui est basé sur la prise en charge de l'embryopie avec la couverture de l'œil dominant pour donner la force à l'œil qui ne fixe pas. Il met en garde que sans traitement, le strabisme peut entraîner des complications visuelles. Il y a des conséquences graves, surtout chez les enfants. Dans la mesure où il y a risque qu'un enfant perde la vision pour un œil. Et comme tout le monde le sait, la vision, c'est deux yeux. Quand il y a un œil, il y a un œil. Il y a un seul œil. C'est-à-dire que quelque part, tu vois, mais le champ visuel est rétréci. Le champ visuel, c'est comme si c'est divisé par deux. Il y a risque de perdre un œil parce qu'un œil qui ne fixe pas, en quelque sorte, il y a une disqualification. Et à la longue, l'œil est déconnecté du système de commande au niveau cérébral. Pour les adultes, le risque majeur, c'est la double vision. Et qui dit double vision, en quelque sorte, sous-entend les maux de tête répétitifs. Parce que tu regardes les choses, c'est comme si tu as tendance à incliner la tête. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que dans le monde, les enfants touchés par le strabisme sont estimés à environ 4%. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rikouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Bonne suite de nos programmes.